Chapitre 2e, le dernier visiteur. Le pansement terminé amena un mieux sensible dans l'état du blessé. Ses forces, à l'avis du médecin, lui permettaient maintenant d'être transporté sans danger jusque chez lui. Les magistrats, poursuivant leur enquête, examinèrent la disposition des locaux de la banque. Il revint ensuite dans le cabinet du directeur pour procéder aux premiers interrogatoires. On fit entrer le chef de la comptabilité, le caissier. Paulin Broquet s'écarta un peu pour laisser plus libre les employés en présence des magistrats. Il se dirigea lentement vers la cheminée dans laquelle brûlait un feu de coke à pleine grille. Puis, se baissant, il ramassa dans les cendres quelques bouts de papier déchirés à demi consumés, qu'il examina minutieusement. « Oh ! » fit-il en revenant vers son chef et le juge d'instruction. « Voici qui est étrange. Ce sont des effets, des billets à ordre. Pour la première fois, je vois brûler des papiers de ce genre, des papiers plus précieux que des billets de banque. En effet, si ces billets ont été payés, celui qui les a souscrits les emporte précieusement. S'ils ne sont pas encore payés, plus sérieusement encore, le détenteur les garde. On ne les détruit jamais ainsi. « Très juste, » fit le chef de la comptabilité. « D'ailleurs, » conclut Paulin Broquet, « nous saurons la raison de cette anomalie, car voici des fragments d'adresses qui, avec le concours de votre comptabilité, nous permettront de retrouver ceux qui les ont signés. » Le détective soigneusement rangea les bouts de papier dans un grand portefeuille. Paulin Broquet, bien qu'on insistât pour le faire parler encore, ne voulut plus rien dire. Il alla s'asseoir dans un coin de la pièce comme se tenant à l'écart, mais de telle façon qu'il pouvait parfaitement voir la figure des gens qu'on interrogeait. Le chef de la comptabilité, le caissier, ne purent donner aux magistrats que des détails techniques sur le fonctionnement de la banque, des renseignements sur les habitudes de M. Montreuil. Le coffre-fort, pièce énorme, scellé dans le mur, solide comme une forteresse, semblait vraiment pouvoir braver les atteintes des cambrioleurs. Cependant, la porte massive renforcée de barres, de serrures, demeurait entr'ouverte, seulement poussée. Facilement, on put l'ouvrir. Les magistrats aperçurent sur les rayons, dans une boîte de fer, quelques rouleaux d'or et une poignée de pièces d'argent, mais ils ne découvrirent pas le moindre billet de banque. Dans des cartons méticuleusement rangés se trouvaient de nombreux billets à ordre, des effets dont le chef de la comptabilité déclara aussitôt ignorer l'existence. Un de ces cartons, contrairement aux autres, soigneusement serré, laissait voir ce qu'il contenait, et le désordre indiquait une recherche pressée, une bousculade même, une sorte de pillage. On ferma le coffre-fort, on y apposa les scellés, puis on appela Michel, le garçon de bureau. Michel, ancien militaire médaillé attaché au service de M. Montreuil depuis de longues années, entra tout en larmes et profondément ému. Le juge d'instruction, après quelques mots d'encouragement, le questionna. « C'est vous, Michel, qui introduisez auprès de votre maître les personnes qui demandent à le voir. Pouvez-vous nous dire quels sont les derniers visiteurs que vous avez fait entrer chez M. Montreuil ?» Péniblement, le vieux serviteur déclara « Les derniers visiteurs ? Oui, monsieur le juge. » Mais le vieux serviteur se troubla, hésita. « Ah, qui c'était ? Oui, qui c'était ? Oh, monsieur le juge, c'est curieux, c'est très fâcheux, mais je suis incapable de dire qui j'ai fait passer en dernier. Je vous demande pardon, monsieur le juge, mais ma pauvre tête a reçu un tel choc que ma cervelle est bouleversée. Ma mémoire n'est plus fidèle. Je sais qu'il restait M. Laurent et le comte de la Guérinière. » En entendant ce nom, Paulin Broquet, quoique sa puissance sur lui-même fût très grande, ne put réprimer un léger sursaut. « Je suis certain, dit encore le vieillard, d'avoir introduit M. Laurent et le comte de la Guérinière. Mais qui passa le premier ? Je ne le sais plus. Je ne le sais plus. » « Voyons, mon ami, » reprit en insistant doucement le juge d'instruction, « cela est pour nous de la plus grande importance. Vous le comprenez. Essayez d'affermir vos souvenirs. » Paulin Broquet rompit le silence qu'il observait depuis le commencement des interrogatoires. « Inutile, monsieur le juge, de torturer l'esprit de ce brave homme. Cependant, puisque nous savons quels sont les deux derniers visiteurs, nous n'aurons qu'à demander au comte de la Guérinière ou à monsieur Laurent qui est passé le premier, qui est entré le dernier. En effet, c'est tout logique. Oui. « Reste à savoir, » fit tout bas le détective à son chef, « reste à savoir s'ils nous le diront. » À la première heure, le lendemain matin, Paulin Broquet entra dans le cabinet de M. Baumier. « Bonjour, chef. Je suis parvenu cette nuit, non sans peine, à rétablir avec les petits morceaux de papier ramassés dans la cheminée du cabinet du banquier Montreuil un document qui sera pour nous, je crois, de grande importance. Voilà. C'est une valeur signée par M. Laurent. Elle est de 5 000 francs, payable dans 15 jours. Bien. Or, j'ai appris en outre que M. Laurent est très gêné en ce moment et ne sera certainement pas en mesure de faire face à cette échéance. Bon à savoir cela. Et sur le compte de la Guérinière, savez-vous quelque chose? Le comte de la Guérinière a passé hier soir 2 heures chez Mlle Lucette Minois, étoile de Lutetia Concert, sa maîtresse. Puis il est allé comme d'habitude au cercle, où il a joué gros jeu et perdu royalement une assez forte somme. Qu'il a payé? Qu'il a payé? Doutiez-vous qu'il ne pût le faire? M. Baumier se tut un instant. Il parut réfléchir, puis il demanda au détective qui ne le quittait pas des yeux, attendant certainement une nouvelle question. Qu'est-ce que ce comte de la Guérinière? C'est le comte de la Guérinière. J'entends, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Paulin Broquet, imperturbable, répondit. Un gentilhomme. Authentique? Comme tant d'autres. Ce qui veut dire? Qu'il peut, avec des actes, sur papier, justifier de son nom, de son titre. Comment vit-il? Comme tant d'autres. Gentilshomme, ou non, qui mène grand train, sans revenu certain. Le flegme de Paulin Broquet arracha M. Baumier un mouvement d'impatience. « Allons, parlez. Vous en savez plus long que vous ne dites sur le comte. » Sans s'émouvoir aucunement, le détective reprit sur le même ton uniforme et calme. « Je parle, chef, je parle. C'est un élégant, un des membres les plus cotés, les plus chics du tout Paris des fêtes. Il monte admirablement au concours hippique. C'est un chasseur merveilleux, un boxeur terrible, un tireur d'épée redoutable. Des muscles d'acier. L'an dernier, chez Molière, il a lutté avec Patuccini, le cosaque vainqueur des luttes de casino, et l'a tombé. Oh, vous n'exagérez pas un peu? Non, chef, pas du tout. Et avec cela, charmant causeur, suffisamment instruit, valseur exquis, très joli garçon, dépensant beaucoup, ses bonnes fortunes sont célèbres. L'heureux homme. Comme maîtresse, il a Lucette Minois, qui a perdu ou à qui on a volé dernièrement une rivière de diamants. Ah, parfait, fit le chef. Maintenant je me souviens. Le comte est venu ici faire quelques démarches pour cette rivière volée. Je le connais, hein? Très bien. Paulin Broquet se tut un instant, puis il demanda au chef de la sûreté tout simplement « Faut-il l'arrêter ?» M. Baumier sursauta. « Hein? Vous plaisantez? Vous me demandez s'il faut arrêter le comte de la Guérinière ?»« Oui, chef. »« Arrêter le comte de la Guérinière ?»« Il faut arrêter lui ou M. Laurent. »« Car c'est l'un ou l'autre qui est entré le dernier chez M. Montreuil. » C'est l'un ou l'autre qui a assassiné le banquier, c'est clair. Le chef de la sûreté se montra fort perplexe. N'arrêtons pas encore. Ne commettons pas la terrible gaffe. Je vais conférer de tout cela avec M. Urbain et je vous donnerai tantôt de nouveaux ordres. Bien, chef. J'ai envoyé prendre des nouvelles du banquier. J'attends. En voici, j'en ai de toutes fraîches. Le banquier a passé une nuit plus calme qu'on ne l'espérait. Il a recouvré ses sens et reconnu sa femme, ses enfants. Bon. Si ce mieux persiste, il est probable que nous pourrons, demain peut-être, mettre en présence du banquier M. Laurent et le comte de la Guérinière. Croyez-vous la chose faisable si tôt? Oui, chef, c'est à tenter. Nous courons des risques grands. J'estime qu'au chevet du blessé, nous aurons la solution de cet angoissant problème. Cette journée passa. Les journaux du soir s'enlevèrent comme ceux du matin. Le crime passionnait l'opinion, excitait au plus haut point la curiosité. Naturellement, la sûreté, la préfecture de police, le parquet, subirent l'assaut des reporters à qui il fallait des nouvelles pour le lendemain. Mais ils ne purent donner d'autres renseignements que ceux que l'on connaissait déjà. Cependant, malgré la défense des magistrats qui désiraient les tenir secrets pour ne pas entraver l'action de la justice, les journaux imprimèrent le nom de M. Laurent et celui du comte de la Guérinière. M. Laurent passa du coup à la grande célébrité, en alla l'interviewer. Le négociant, par une singulière coïncidence, venait subitement de quitter Paris. Alors on se rabattit sur le comte de la Guérinière, l'autre visiteur, l'un des deux derniers. L'élégant gentilhomme ne comptait pas que des amis dans Paris. Ses succès de toutes sortes lui valaient bon nombre de jaloux. Par là même, sinon des ennemis déclarés, du moins bien des gens enchantés aujourd'hui de le voir enfin engagé dans une mauvaise aventure. Le comte, cependant, en cette circonstance comme en bien d'autres, se montra beau joueur et se prêta complaisamment à toutes les interviews. Mandé chez le juge d'instruction, il reconnut sans hésitation s'être trouvé chez M. Montreuil à l'heure où s'était probablement commis ce crime odieux, dont il n'eut d'ailleurs, affirma-t-il, connaissance comme tout le monde que plus tard par les journaux du soir. « Étais-je le dernier, dit-il au juge, ou l'avant-dernier des visiteurs ? Je ne saurais, ma foi, le déclarer. Ce que je puis affirmer, c'est que, comme toujours, M. Montreuil m'a accompagné jusqu'à la porte de son cabinet et m'a serré la main. » Cependant, tout en annonçant la visite du comte chez le juge d'instruction, un reporter, désireux de porter un coup désagréable au brillant gentilhomme, s'empressa d'insinuer en dernière ligne de son article que le bruit courait, au palais, de l'arrestation probable du comte de la Guérinière. Or, dans le public, cette nouvelle trouva meilleur canal que le comte vraiment ne l'eût supposé. Le comte crut bon, nécessaire, de tenir tête promptement à l'orage et de provoquer un revirement en sa faveur dans l'opinion générale. Il se déclara offensé, diffamé, et expédia deux amis diligents, demandant aux journalistes rétractation ou réparation par les armes. Puis, comme tous les matins, il alla au bois faire sa promenade à cheval. Quand il revint du bois, son valet de chambre lui annonça que dans son cabinet de travail, quelqu'un l'attendait. « Qui est-ce ? » demanda le comte. « Ce monsieur n'a pas voulu donner son nom, mais il m'a affirmé avoir rendez-vous avec monsieur le comte pour l'affaire de ce matin. » Très intrigué, le comte se dirigea vers son cabinet de travail. Il ne put s'empêcher de tressaillir en reconnaissant l'étrange visiteur. Avec peine, il retint un cri de profond étonnement. « Paulin Broquet !»